La maille suite logique pour mon taf et pour tout ce qui m'appuie. Graineux qui a pas le temps de s'appuyer. Toyer, tapis dans des halls. Existence qui désole les papis. Quand le moral est sapé, dompté sa peur de voir demain pire qu'aujourd'hui. Sous le Porsche, trop de méga crames. J'ai tant de mal sur leur plage horaire. Rêve de méga crimes, silence des vannes afin d'égayer l'horreur. Paraît que la France est une grosse tasse. Sûr qu'il y a moyen qu'on s'engraisse tous. Si on lui fait ce qu'il faut, les frères sont-ils du même steak? La cave puis déjà le fauve, bientôt le rush time. On sera à l'heure malgré les contretemps, marées et contrevents. Très très temps de taré, beau fêtasse tiré dans des caisses mal garées. Qu'on fait perdre le nord au ref déjà mal barré. La merde m'a retardé mais on est toujours en course, bientôt le rush time. On sera à l'heure malgré les contretemps. On fuit le mauvais couloir de peur qu'on prenne tout le flou. Bientôt le rush time. On sera à l'heure malgré les contretemps. La merde m'a retardé mais on est toujours en course, bientôt le rush time. On sera à l'heure malgré qui nous ont filé le mauvais couloir de peur qu'on prenne tout le fou. C'est un le rush time. On sera à l'heure, ma soeur. Avenir sombre, nique sa mère. On est les seuls à voir clair dans l'obscur. Vraiment trop fier pour que Léo se court. Pour l'autonomie, autant nommer les miens pour l'Oscar. Quand la merde ramène ses sauts, je ne cours pas. Reste pur gaillard, respire fort. Ici c'est pas pire qu'ailleurs. Vu fumer avec autant d'ardeur qu'un joint d'ailleurs. Fumer jusqu'au filtre, voilà. Voilà ce que ça leur coûte de prendre les miens pour les pitres. Sur Paris donner la vibe devient aussi stressant que de réconforter un pote au parloir. Imagine. Aucun repos, même si je pars loin de quoi tu me parles. Même cette chaîne de life, même mon darling. Le monde guette déjà, les jeunes fous. Comme moi, comme un vieux qui épie des mioches. Vois maintenant pourquoi. La haine contamine chaque cité comme une épidémie. Quant au mien, compte à rebours, commencé depuis des nuits. Quand FD, tout ça on dit que je suis paranommé. J'ai très bien que la vérité vraie finira par nommer. Mes couilles en haut de l'échelle. Si ta femme craque, elle stoppe ta course. Fous-lui une tarte, même si elle chiale. La merde m'a retardé, mais on est toujours en course. Bientôt le rush time. On sera à l'heure malgré le contretemps. Ils nous ont filé le mauvais couloir de peur qu'on prenne tout fou. Bientôt le rush time. On sera à l'heure malgré le contretemps. La merde m'a retardé, mais on est toujours en course. Bientôt le rush time. On sera à l'heure malgré les contretemps. Ils nous ont filé le mauvais couloir de peur qu'on prenne tout le flou. Bientôt le rush time. On sera à l'heure, c'est sûr. Y'a plus de conscience que des âmes perdues. Pas de chance, mon Dieu. M'a été enlevé dès ma plus tendre enfance, mon Dieu. Comment faire quand on pousse dans la merde en queue? On sera à l'heure, c'est sûr. Vitez sûrement. Faut pas que je prenne la merde. L'évitez sur moi. Je veux plus de vendus que des âmes tendues. Entends-tu? Les pleurs de la famille, leur fils est mordu. Crime racial que le Front National sur. Sûr, aucune blague connexe sur l'esquive des coups durs. Mais comment faire quand on pousse dans la merde? Comment faire près d'eux? Comment faire près d'eux? C'est sûr, tout le monde veut s'en sortir tant bien que mal. Mais tu connais la vibe? La vie, je suis toujours la même pute. Donc on joue les mêmes trucs, on reste toujours dans le même but. Un rap brut, mais ce qu'on aime chute. T'inquiète, si un lutte, on sera à l'heure malgré les contretemps. La merde m'a retardé, mais on est toujours en course. Bientôt le rush time. On sera à l'heure malgré les contretemps. Ils ont fini le mauvais couloir de peur qu'on prenne tout le flou. Bientôt le rush time. On sera à l'heure malgré les contretemps. La merde m'a retardé, mais on est toujours en course. Bientôt le rush time. On sera à l'heure malgré les contretemps. Ils ont fini le mauvais couloir de peur qu'on prenne tout le flou. Bientôt le rush time. On sera à l'heure, ma couille. La merde m'a retardé, mais on est toujours en course. Bientôt le rush time. On sera à l'heure malgré les contretemps. Ils ont fini le mauvais couloir de peur qu'on prenne tout le flou. Bientôt le rush time. On sera à l'heure malgré les contretemps. La merde m'a retardé, mais on est toujours en course. Bientôt le rush time. On sera à l'heure malgré les contretemps. Ils nous ont fini le mauvais couloir de peur qu'on prenne tout le flou. Bientôt le rush time. On sera à l'heure, c'est sûr. On sera à l'heure malgré les contretemps. Hey hey, la loco dealer, ça fort. Hey hey, trafic dealer, ça fort. Jamaqueta, say say, dealer, ça fort. Hey hey, boom staff. Hey hey, quoi quoi. Malgré les contretemps, t'inquiète ma couille, hey hey, ma gueule est contretemps. On sera à l'heure, je te jure.